Alors, frères et sœurs, chers amis, dans ce temps de Pâques, nous prenons le temps de nous demander si nous avons raison de croire en la résurrection. Et chaque dimanche de Pâques nous éclaire sur un aspect lié à une expérience particulière. Il y a un éclairage nouveau qui nous est donné à chaque fois par une expérience singulière. Et c'est sur ce témoignage de ceux qui ont vécu une expérience du ressuscité qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous croyons en la résurrection. Et ces expériences ont été suffisamment bouleversantes pour profondément ancrer, s'ancrer dans la foi chrétienne. C'est ces expériences-là même qui ont ajouté quelque chose de profond à notre foi chrétienne. Et nous voyons que ces expériences ont été bouleversantes parce que, on l'a déjà entendu, les témoins qui avaient eu peur dans un premier temps des Juifs suite à l'arrestation de Jésus, ben ils vont avoir l'audace, malgré l'hostilité des dirigeants juifs, de témoigner ouvertement. Ça, pour moi, c'est déjà une raison de croire en la résurrection. Que ceux qui avaient peur, après la résurrection, n'ont plus eu peur, c'est pour moi un signe que nous avons raison de croire en la résurrection. Un deuxième signe que je vois dans les lectures que nous avons entendues ces trois dernières semaines, bien c'est que ces mêmes témoins ont l'audace de mettre au cœur de leur message, qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire l'annonce, la proclamation de cette bonne nouvelle, ils ont cœur de mettre au cœur de ce message le message du Messie crucifié. Comme dit saint Paul, folie pour les païens, scandale pour les juifs. C'est-à-dire quelque chose qui est inconcevable, qui paraît scandaleux, qui est une folie. Ils utilisent cet argument-là et ils le mettent au cœur de leur prédication, comme on l'a entendu dans la première lecture, la première prédication de Saint-Pierre. Le kérigme contient cette annonce, notamment de Jésus crucifié. Si Jésus n'était pas ressuscité, mais en était resté à la mort sur la croix, il n'aurait jamais pris cet argument-là. Encore une autre raison de croire en la résurrection. Une troisième que je vois, c'est que dès les premiers siècles de l'Église, on a instauré un nouveau jour, le jour du Seigneur, qu'aujourd'hui nous célébrons encore 2000 ans après, alors qu'on vivait dans une culture juive imprégnée du sabbat. Eh bien, les chrétiens ont eu l'audace de s'affranchir progressivement de ce jour-là pour célébrer le troisième jour, le jour de la résurrection, le jour où le Seigneur est ressuscité. Là encore, c'est une raison de croire en la résurrection. Dès les débuts, c'était évident que le Seigneur était ressuscité. Ce soir, je voudrais aborder et approfondir un troisième aspect, une troisième raison de croire en la résurrection. Saint Paul nous donne une piste. Lorsqu'il parle de ce passage de la corruptibilité à l'incorruptibilité, c'est des mots un peu compliqués, quoique peut-être certains ont vu cette série, cette vieille série des années 60, Les Incorruptibles, ou bien un film plus récent qui portait le même titre avec Kevin Costner, Les Incorruptibles, non, ça vous dit rien? L'époque de Al Capone, les années 30, le moment de la prohibition, il y avait ces hommes qui, eux, ne se laissaient pas corrompre. Ils se disaient incorruptibles et ils voulaient travailler pour la loi et ne pas se laisser corrompre par la mafia. L'incorruptibilité, c'est un sens dévié qu'a donné ce titre à cette série, à ce film aussi. Puisque d'abord, la corruptibilité, c'est quoi? C'est le fait que quelque chose disparaisse, périsse, se désagrège, tombe en poussière et retourne à la terre. Ce qui est corruptible, c'est le cadavre. Le cadavre d'un être humain, n'importe quelle matière, retombe en poussière. Il est corruptible. Bien, Saint-Pierre nous dit, ce n'est pas par les biens corruptibles, l'argent et l'or, que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang d'un agneau sans défaut, le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Et il le disait aussi en s'appuyant sur le psaume 15 dans la lecture aux Actes des Apôtres, dans sa première prédication. Il attribue à Jésus ce beau passage du psaume 15. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Jésus est le premier et c'est un sens encore une fois de la résurrection, est le premier dont le corps ne s'est pas désagrégé. Son corps n'est pas tombé et n'a pas connu la corruption. Ça, c'est un signe que la mort n'a pas vaincu. Elle n'a pas fait son effet dans le corps de Jésus. Son corps, on ne l'a pas trouvé. Et mieux encore, on l'a vu dans la personne du ressuscité. Ça veut dire que comme il va nous y inviter, comme il y a invité Marthe, lorsqu'il lui a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Lorsque Jésus nous dit ça, il nous invite, nous aussi, à vivre de ce mystère de la résurrection. Ça veut dire que notre corps va être appelé à devenir incorruptible. Même si, dans le temps encore présent, il va passer par cette corruption. Oui, nous allons nous désagréger, sauf peut-être si nous sommes en odeur de sainteté, ce que nous souhaitons pour tous. Il y a des miracles qui montrent qu'il y a des corps qui sont conservés de manière incorruptible, même en pleine terre. C'est un signe, ça, que la résurrection agit puissamment dans certaines personnes. Mais elle n'est pas faite pour agir seulement à notre mort, cette résurrection. Elle est faite pour agir aujourd'hui. Et Saint-Pierre nous le dit, nous sommes faits pour nous laisser sauver par le sang précieux de l'agneau sans tache et sans défaut, et non pas par les biens corruptibles que sont l'or et l'argent. Ça ne nous rachète pas, ça. Je voudrais souligner, c'est quoi la vie de la corruptibilité. La vie corruptible, c'est quoi? Elle nous est décrite dans cette attitude triste de Cléophas et son ami. Ils lisent les événements qui sont passés à Jérusalem. On dirait quelqu'un qui lit les nouvelles dans le journal de Québec. Il est triste. Tu lis des événements, ça n'a pas de sens. Puis ça n'en a pas plus à la fin quand tu as refermé le journal. C'est sans sens, c'est un enchaînement sans sens. Ça ne les rend pas heureux apparemment. Ils sont tristes. Ils ont les yeux fermés. Ils ne reconnaissent pas, même pas Jésus. Ils ont quand même passé 3 ans avec lui. Ils sont tellement fermés, ils sont bouchés. Ils ne voient même pas Jésus présent avec eux. Il est quand même présent là avec son corps. Ils ne le voient pas. Mais leur cœur va être bouleversé parce que Jésus va leur parler. Jésus va leur parler de lui et de ses événements. Il va relire ces événements, apparemment sans sens. Il va les relire à la lumière de l'Écriture, par le don de l'Esprit Saint. Évidemment, vous allez me dire, c'est Jésus lui-même qui leur explique, ça devait être génial, une homélie de Jésus en direct. Et ça va allumer leur cœur. Leur cœur va commencer à s'allumer. Ce cœur qui était tout triste, il va s'allumer. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir un sens nouveau à ces événements. Ils vont comprendre que ce n'était pas un enchaînement sans sens. Ce n'était pas un enchaînement qui n'avait aucune signification. Jésus leur montre la signification profonde de ce qu'ils ont vécu comme témoins. Leur cœur va commencer à avoir soif. Ils vont commencer à même à vouloir que Jésus reste avec eux. Mais ils sont encore un petit peu bouchés. C'est à la fraction du pain que leurs yeux vont s'ouvrir. Et alors, ils le reconnaissent. Ils sont en train, c'est le processus, ils sont en train de se déboucher. Ils sont en train de passer dans le monde de l'incorruptibilité. Ils sortent de la tristesse. Ils ont tellement le feu qu'ils refont en sens inverse le chemin qu'ils viennent de faire. Il est tard, ils ont déjà marché, il était censé s'arrêter, manger et repartir. Ils repartent tout de suite. Ils se rassemblent, ils retrouvent les autres, ils ont le feu, ils veulent en parler tellement c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu avec les 11 qui eux-mêmes ont fait la même expérience. Ils sont passés dans le domaine de l'incorruptibilité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'avoir la foi. Ils ont compris que c'était le sang précieux de l'agneau, sans défaut et sans tache, qui les sauvait. Et ce n'était pas l'or et l'argent. Alors, frères et sœurs, il me semble que ce processus de Cléophas et de son ami, c'est un bon moyen pour nous de comprendre que la foi, ça se vit aussi par étapes. Oui, il peut y avoir le coup de foudre, le coup foudroyant, qui fait que du jour au lendemain, la foi va me tomber dessus. Il se peut aussi que, même si j'ai vécu ça d'ailleurs, que j'ai besoin que progressivement, je marche, lentement, et Jésus marche avec moi. Et il m'explique le sens de ce que je vis. Et j'ai envie qu'il continue à me l'expliquer. Alors je vais lui demander, Seigneur, j'ai soif de toi, continue à m'expliquer ce que je vis. Continue à donner le sens de ma vie. continue à être brûlant dans mon cœur, à mettre ce feu en moi, je suis en train de basculer dans le monde de l'incorruptibilité. C'est-à-dire que la mort n'a plus d'effet sur moi. Et ça, nous le sentons, c'est bien par la foi que ça va s'accomplir toujours plus profondément. Demandons vraiment cette grâce, chers amis. Et pour moi, une raison de croire en la résurrection, encore une fois, c'est cette aspiration que nous avons en nous. Nous avons cette aspiration à ne pas mener une vie superficielle et vaine, celle que décrit saint Pierre. Nous avons cette aspiration à avoir du feu dans notre existence. Cette aspiration à ne pas être tout triste et à avancer dans un monde absurde, sans sens. Nous sentons ce besoin-là en nous. C'est une aspiration, chers amis, à l'incorruptibilité, à ce que la résurrection va nous transmettre. Nous aspirons profondément à vivre dans un monde incorruptible, où la mort n'a plus de pouvoir. Jésus nous le donne lorsque nous proclamons notre foi en lui. Ce soir, au moment de l'offertoire, des jeunes vont s'engager à vivre le service jeunesse. On va redonner un petit peu le sens de ce service-là, mais c'est l'occasion pour eux de passer de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Ils vont goûter pendant ces 3 semaines de service jeunesse à la foi. À travers de nombreuses expériences, ils vont grandir dans cette soif de Jésus pour sortir de la tristesse d'un monde sans sens et goûter à la joie de la présence de Jésus qui marche à leur côté. On va prier pour eux tout à l'heure.